là devant moi à te demander pourquoi. Pourquoi on doit se dire adieu, pourquoi ça finit sans être heureux. Quand tu es là en face de moi, je me demande toujours pourquoi. Tu es parti dans les bras d'une fille et nous deux c'est fini. Comme un puzzle, je suis dissocié, je suis dissocié, je suis décomposé, je suis décomposé.